Chapitre 6. Il ne fallait pas se plaindre, décidément. On pouvait espérer mieux, certes, mais il y avait eu tant de bêtes ramenées du marché qu'il fallait estimer heureux d'avoir vendu les 12 bœufs, 400 francs pièce l'un dans l'autre. Madame Goron avait compté sur 50 pistoles, mais comme son mari ne s'attendait pas à plus de 10 écus par tête, la moyenne était bonne. Tout allait pour le mieux. Il fallait maintenant racheter des bêtes maigres, et l'année d'après, on pouvait s'attendre à des bénéfices qui permettraient de rembourser l'hypothèque prise sur la ferme. Ainsi pensaient les époux Goron. Mais pour le moment, il fallait s'occuper de ramasser les pommes. Pas un moment à perdre. Si on ne voulait pas voir pourrir celle qui, tombée au pied des arbres, par la cause de grand vent, ne serait plus bonne qu'à faire de l'eau de vie. Or, Madame Goron était d'avis de ne point brasser ni bouillir. Ce sont des frais à n'en plus finir. Mieux valait vendre les pommes à un fabricant de cidre de Rouen. Ce qui fut fait. Tout frais défalqué, 800 francs entraient dans le tiroir des époux Goron. Hein, quand je te disais que cela rapportait plus que d'avoir des fermiers. Cyril n'osait pas faire remarquer que ces 800 francs étaient le seul argent que rapportait la ferme, puisque le foin servirait à la nourriture pendant l'hiver, des bœufs maigres que l'on achèterait avec l'argent rentré de la vente des bœufs gras. Craignait que sa femme, grisée par un semblant de succès, en vint à tout engager d'un coup dans cette opération, ce qui eut lieu. « Pourquoi, lui dit-elle, au lieu de 12 bœufs, n'en aurions-nous pas 20 ? Il y a bien assez d'herbes pour les nourrir, et sans dérangement, ce serait le double presque de bénéfices. » Les 20 bœufs furent achetés. À la maison, la vie devenait monotone. À chaque repas, Madame Goron parlait de sa ferme, toujours et à propos de tout. C'étaient de longues inquiétudes pour l'état maladif d'un des bœufs, pour la chute d'un pommier abattu par un coup de vent. Et comme il ne fallait pas songer à contracter un nouvel emprunt sur hypothèque, on vivait sur les 800 francs qu'avait rapporté la vente des pommes. Cette somme, touchant à sa fin, Madame Goron se privait des petites douceurs qu'elle aimait autrefois à se payer. Plus de café après le dîner. Elle avait prétendu que cette boisson l'empêchait de dormir. Cyril devenait triste. Madame Goron s'en apercevait, et quoique toujours confiante en la réussite de son entreprise, comprenait que pour tirer de la ferme tout le parti possible, il ne suffirait pas d'y élever des bœufs et d'en récolter les pommes et le foin. Combien d'argent elle y aurait pu gagner si elle y passait tout son temps au lieu d'y faire des visites inutiles? Elle ne pouvait, en l'état actuel, ni avoir une basse-cour, ni soigner les arbres fruitiers. En y tenant la main, quelle jolie laiterie elle pouvait avoir! C'était trop difficile pour songer un seul instant à cela, car on est rentier ou on ne l'est pas. Et Cyril, déjà très ennuyé de voir sa femme se donner tant de mal à aller visiter les bœufs, ne voudrait certes pas la laisser travailler à son âge. Ils avaient eu assez de mal autrefois dans la petite boutique de la rue Jeanne d'Arc pour avoir le droit de se reposer maintenant. Cependant, avec les souvenirs de son enfance, un immense amour pour la terre s'emparait d'elle. Elle s'ennuyait, autant que les fermiers apportaient régulièrement l'argent du terme. Maintenant qu'elle avait en tête une préoccupation constante, les journées lui semblaient moins longues. Et puis, c'était l'inconnu. Elle songeait à des bénéfices illimités à tirer de cette ferme, qu'elle dirigeait avec un soin et une âpreté de paysanne de race. Mais il n'y fallait pas songer. Cyril, paresseux au fond, ne voulait pas changer son genre de vie. Pourvu qu'à l'heure coutumière, il eût son assiette de soupe et sa bouteille de cidre, c'est tout ce qu'il demanderait. Alors toutes ses conversations furent dirigées vers ce but, arriver à passer l'eau et habiter la ferme. D'ailleurs, si son mari ne voulait pas, elle irait seule, avec un domestique et la femme de ménage. Cyril resterait à la maison de Jumiège, où elle irait le rejoindre tous les soirs. L'occasion se présenta d'en parler, malheureusement avec chance de succès. Un matin, Madame Goron s'aperçut en entrant à la ferme que deux bœufs avaient une singulière mine. Bien sûr, ils étaient malades, ces pauvres malheureux, mais comment cela se faisait-il, si bien portant 3 jours avant? Le vétérinaire appelé dit qu'il n'y avait rien à faire, que c'était très grave, qu'une épizootie sévissait dans le calvados et qu'il n'y avait rien d'étonnant si on s'apercevait que cela gagnait du terrain. On isola les malades. Mais malgré cette précaution, le typhus attaqua tout le troupeau. C'était bien curieux tout de même. Les bestiaux du voisin n'avaient rien. Et racontant à son mari ce qui se passait, Madame Goron dit « Tu sais, j'apprendrai que le roulant ont jeté du mal fait. Je ne m'en étonnerai pas. » Mais Cyril souriait, ne croyant pas au mauvais surnaturel. C'était des contes de bonnes femmes. La situation était grave cependant. Chaque matin, Madame Goron avait des angoisses en allant à la ferme où elle s'attendait à voir tout le troupeau couché sur le flanc. 4 bœufs étaient morts. Une perte d'au moins 150 pistoles, car c'étaient les plus forts et ceux qui s'engraissaient le mieux. Tout ça ne serait pas arrivé, dit Madame Goron à son mari, si on était tout le temps sur place. Mais c'est bien désolant tout de même de penser qu'en s'y prenant au commencement, on aurait pu les soigner. Quoi que tu veux, répondait philosophiquement Cyril, c'est comme ça. Bien qu'ennuyé de cette perte d'argent, il pensait que cette mésaventure rabattrait un peu l'orgueil de sa femme, insupportable tant qu'elle avait triomphé. Il n'avait jamais été très partisan de l'élevage des bœufs. Ah, qu'il regrettait de n'avoir pas fait de concession à Roulant. La petite diminution demandée par le fermier les aurait peu gênés. Au lieu de cela, des hypothèques étaient mises sur la ferme. Il faudrait les rembourser, un jour ou l'autre. Les intérêts couraient, et ils ne pourraient même point les payer à la date fixée si les bœufs ne se vendaient pas bien. Et puis, vivre par là-dessus, c'est que sa femme restreignait les dépenses du ménage. Elle n'achetait plus de rôti le dimanche, et lui reprochait le cidre qu'il buvait. Madame Goron, voyant que ce n'était pas Cyril qui, le premier, lui parlerait de la ferme, aborda carrément la question. « Ça ne va pas comme je voudrais, lui dit-elle un soir en rentrant. Je suis désolée de tout ce que j'ai vu de perdu là-bas. » Et elle raconta ses projets, prendre un valet de ferme et faire valoir la propriété. Elle traverserait tous les matins la Seine et reviendrait tous les soirs. Et elle disait les avantages à tirer de l'élevage des poules, des cochons, de la récolte des légumes et des fruits. Elle ferait tailler les haies, d'où l'on retirerait d'excellents fagots. Les pommiers morts seraient abattus, on les scierait. Tout cela ne pouvait être fait que si on était là constamment, avec une surveillance active. Et pendant qu'elle parlait, ses yeux cherchaient à deviner sur la face alourdie de Cyril l'impression produite. « Oui, dit-il enfin, ça va être des frais. Il va falloir acheter tous les ustensiles de la laiterie, et tout le reste, un cheval. » Elle l'interrompit. « Un cheval, on s'en passera. » On louera pour la journée celui des voisins quand on en aura besoin. Elle avait bien l'intention d'en acheter un, ainsi qu'une voiture, pour aller au marché. Mais elle l'avouait, ça aurait été effrayé Cyril. « Mais, dit celui-ci, et la cuisine? Faudra bien que tu fasses manger ces gens-là, et puis toi ?» Elle avait réponse à tout. Elle emporterait le nécessaire de la batterie de Jumièges. En laissant un déjeuner froid pour Cyril tous les matins, et revenant en temps pour lui préparer son dîner. C'était facile à faire. Il n'en souffrirait pas. La literie pour le domestique, n'avait-elle pas un lit au grenier où ne couchait pas la femme de ménage, qui préférait aller toutes les nuits chez sa mère, malade, pour la soigner? Le lit était assez bon pour le domestique, qui n'était pas un prince. Cyril se dit peut-être qu'il serait encore plus débarrassé de la présence de sa femme, qui devenait hargneuse et le maltraitait presque, lui reprochant son insouciance et son laisser-aller. Il accepta en disant « Ah, mais fais comme tu voudras ». D'ailleurs, la dépense à faire pour acheter les jeunes volailles et le cochon n'était pas grosse. Quant aux trois vaches que voulait Madame Goron, on les trouverait à échanger contre des bœufs du troupeau.